Comment vas-tu? J'ai mal, j'ai peur. Je vais bien. J'ai froid. Bien, je suis seule. J'ai froid. Je vais bien. J'ai mal au cœur. J'ai peur. J'ai mal. Je vais bien. Je suis pas bien. J'ai froid. Je suis seule. J'ai mal. Je vais bien. J'ai mal au cœur. Je suis seule. J'ai peur. Je suis angoissée. Je suis seule. Je vais bien. J'ai froid. Je suis seule. J'ai mal au cœur. J'ai peur. Je ne suis pas bien. J'ai peur. Je vais bien. J'ai froid. Je vais bien. Je vais bien. Je suis seule. Je vais bien. Je suis seule. Je t'aime.